Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La voix que vous entendez est très séduisante et même, je dirais, burlesque. Sirupeuse. Burlesque. On dit burlesque en passant au Québec. Burlesque. Burlesque, c'est le mot clair, mais j'ai vu quelqu'un comme Gilles Latulippe dit burlesque. C'est vraiment burlesque. Si Gilles Latulippe l'a dit comme ça... C'est le maître du burlesque. Exactement. Donc on va l'écouter. Simon Fédivier avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is dead. Oui, bonjour messieurs, ça va bien? Oui, très bien. Super. Oui. Ah, ma chronique va sembler un peu déconstruite cette semaine. Ah, ben comme assemblage requis, c'est des morceaux que tu vas imbriquer ensemble. Effectivement, on va essayer de faire son possible. Hein? Il va faire son possible. On va dire, Simon va faire son possible. Dis-le toi-même, appelle-toi à la première personne. Simon va faire son possible. Hey, c'est difficile de faire ça. J'ai de la misère à me parler à la première personne. Troisième personne plutôt. Il va faire son possible, Simon. En troisième personne, c'est vrai. Troisième personne. La première personne, c'est je. Ben, en même temps. Ben, je sais pas. Hein? Ben, bon point, parce que c'est aussi un jeu quand tu parles. Simon va faire. Est-ce qu'on philosophe là-dessus pendant une heure? On pourrait. On pourrait aussi ne pas. On va attendre les incoxygibles, ils vont pouvoir venir nous éclairer la question. Eux qui mettent un Z au début de leur nom, tu sais. Ils connaissent le français, eux. Oh oui. Ils font des liaisons. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est la suite d'une chronique que tu as fait cet automne sur les mythes sexuels. C'est ça. Effectivement, on vient parler un peu de sexualité dans l'univers du rock'n'roll. Donc, y en a pas? Non. C'est tous des eunuques au niveau du rock. Hein. Aussitôt qu'on touche une guitare, on n'a plus de pénis. Voilà. Hey, j'ai mis ce mot-là en nom. C'est un terme médical, on a le droit, je pense. Ouais, je pense qu'on a le droit. Mais quand même, l'outil, j'aime mieux. Ben oui, mais là, c'est un terme médical, on s'entend. C'est médical, mais... J'aime mieux quand même de ne pas l'utiliser à outrance. À outrance, effectivement. Redis le mot que tu as à dire et attends, place-toi, j'ai le micro. Ça, dans le cadre de la chronique, je vais utiliser le mot outil. Outil? Outil ou organe. OK. Ouais. Censuré quand on dit des mots comme ça. Hey, c'est bon, ça serait utile. Ici, à C'est fou, à la place d'avoir un ordinateur et une palette de sons qu'on peut cuer avec des MP3, c'est, on a des vrais gadgets achetés chez Dolo. C'est Dolorama. Wow. Hey, les noms de commerce, toi. Dolo. C'est Dolorama. On fait pas de la pub gratis ici, assez fou. Voyons. Je me suis déplacé parce que j'ai entendu les incorrigibles, puis je suis supposé de clarifier quelque chose, mais je sais pas. Rapproche-toi pas mal plus que ça du micro. Oui, ben c'est ça, je suis supposé de clarifier quelque chose. Je vous ai entendu dire les incorrigibles, ouais. Avec un Z au début de leur nom. Ouais. Ouais, mais je sais pas de quoi vous parlez. La qualité de votre français est moyenne, là, ouais. Si vous mettez un Z au début du mot. Tu veux dire, toi, là? Dans mon racabessique tout à l'heure, après ta chronique. Ah, que de classe. Hey, ça commence bien. C'est le fun. C'est pas déconcentrant du tout. Pas du tout. Du tout. Du tout. Une chance que je n'étais pas préparé. Imagine s'il avait été préparé, toi. Hein? Ben non, mais ça va bien se passer. Donc oui, je viens parler de la sexualité, les mythes de sexualité ou les légendes sexuelles dans l'univers du rock'n'roll, qui sont quand même multiples, mais je suis allé chercher un peu... Non pas les plus loufoques, ni les plus cocasses, burlesque. Mais quand même, ouais, les plus burlesques, on peut dire ça comme ça. Hey, j'ai des amis qui vont être contents parce que pendant des années, ils utilisaient le mot burlesque pour dire c'est drôle, puis là, on en parle à la radio. Moi, j'ai des amis qui trouvent qu'on fait beaucoup de parenthèses dans ta chronique. On en fait tout le temps. Mais moi, je suis le maître de la parenthèse et de la virgule, voyons. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est mon terme en histoire, on m'appelle comme ça. Ah ouais, pour vrai? Le parenthèse master. Non, c'est pas vrai. Donc, les mythes entourant la sexualité des rockstars est courant dans l'univers délabré de la musique populaire. Donc, c'est ce monde putride qu'est le rock'n'roll, disons-le comme ça. Certains, entre autres, se perpétuent selon les artistes courants ou l'époque donc, où ils viennent. Et sont spécifiques, d'autres sont spécifiques à certaines artistes ou certaines périodes. Donc, en fait, pour résumer, là, il va y avoir un mythe qui est faux et perpétué et un mythe qui est vrai, en partie. dans la chronique. Donc, sont souvent précises et incitent à l'imaginaire afin d'être, de bien comprendre les liens et les différences qui s'y trouvent. La sordidité, je sais pas si ça se dit comme mot, mais je l'ai écrit pareil. Donc, la sordidité et la précision. Est-ce que tu as souligné avec des petites lignes rouges dans, non? Non, ben, j'ai, malheureusement, j'ai pas Word, premièrement, et mon système d'exploitation est en anglais, donc, voilà. Ça marche pas. C'est dommage. C'est pour ça que j'ai pas des bonnes notes. Donc, la sordidité... blâme Linux. Oui, je blâme Linux, effectivement. La sordidité et la précision des histoires donc, sont à la fois choquantes et éloquentes de la véracité de celles-ci. Donc, là-dedans, il y a des précisions qui sont à apporter dans les histoires et vous avez, on s'aperçoit donc si elles sont vraies ou non. Et on va voir aujourd'hui donc deux histoires, une vraie et une fausse, qui participent à établir une autre dimension d'imaginaire tordu donc, du rock'n'roll parfois. Et on commence avec... une histoire qui parle de lavement et de pompe. Donc, on commence assez raide. Toujours les termes médicaux. Oui, j'ai essayé justement de rester dans le médical pour pas être trop explicite. Et donc, c'est une histoire qui est une des plus connues dans l'univers des mythes sexuels, qui touche plusieurs célébrités, tout dépendant de la période où elle est contée et aussi la popularité de la dite célébrité. Dans le cas qui nous intéresse, c'est plutôt Elton John qui est touché par ces rumeurs particulières. Donc, Elton John qui s'est présenté donc dans une fête bien arrosée et qui a perdu connaissance tout d'un coup à un moment donné. Et donc, Elton s'est rendu à l'hôpital. Donc, les amis ont appelé l'ambulance et il s'est rendu là. Et une fois à l'hôpital, on apprend que M. John, parce que oui, c'est drôle, hein, Elton John, son nom de famille, c'est John. Ben oui. Fait qu'on peut dire M. John. EJ. Ouais, EJ, effectivement. EJ, donc, s'est fait traiter pour une intoxication de type alimentaire. Donc, c'était dans l'estomac. Et plus spécifiquement, oui, donc, il s'est fait extirper par voie de lavement près d'un gallon de semences masculines. Donc, de son estomac. Un gallon. 4 litres. 4 litres. Ouais. Quand même. Deux bouteilles de Pepsi. Ouais, de Popsy. De Popsy, de Kikakoli. Kikola. Ouais. Kikola. On va recevoir des caisses demain matin. On espère. Oui. Avec ça, non? Donc, effectivement, donc, il s'est fait retirer un gallon de semences masculines. Mais donc, c'est le plus loin que va ce mythe-là. En fait, c'était comme une petite vite. On parle de sexe, une petite vite. Un quickie. Hey, je fais une joke à la Mathieu Plante. C'est hot. J'aime ça. Je suis en train de t'émuler, Mathieu, en passant. Ben, je le précise. Ben, j'espère. Donc, ce mythe, donc, ce qui frappe le plus dans ce mythe, c'est la fréquence et le renouvellement de l'histoire, vraiment, qui vient frapper l'imaginaire. Parce que, en fait, cette histoire-là de pompe et de semences et de ci et de ça dans l'estomac d'un artiste, ça se retrouve à plusieurs époques, donc, dans l'histoire de la musique. Ça s'est vu, entre autres, avec, donc, Elton John, Rod Stewart, qui est par la suite un peu hérité de cette histoire-là de la part d'Elton John, David Bowie aussi, qui s'est fait traiter dans cette histoire-là, Mick Jagger, il y a eu Andy Warhol, aussi qui a été sujet à cette histoire-là. John Bon Jovi. Ricky Martin. Non, Ricky Martin se retrouve pas là. Bizarrement, mais il y a des artistes plus récents. Là, si on regarde les New Kids on the Block, en fait, le chanteur vedette des New Kids on the Block, son nom m'échappe, parce que j'ai jamais écouté ça. Comme tout le monde. C'est ça. Ouais, et il a fallu attendre jusqu'aux années 90 pour que des femmes se retrouvent dans ce mythe-là. Donc, on retrouvait Lil' Kim, Britney Spears et Fiona Apple, donc qui se seraient fait pomper ces choses-là. Mais en fait, ça va plus loin. En fait, ça va un peu au niveau du racisme, mais du sexisme, de l'orientation sexuelle ou de la popularité sexuelle d'une personne. Comme Elton John, justement, qui, sans l'avoir avoué avant même les années 90, était homosexuel, mais se disait bisexuel à l'époque. Donc, on disait que pour rire de lui, en fait, Elton John, qui aimait bien... C'est de l'homophobie complètement, finalement. Effectivement, c'est de l'homophobie pour ce qui est de l'époque. Rod Stewart, qui n'était pas... en fait, qui n'est même pas, je crois, homosexuel. Je crois qu'il est pur hétéro. Mais donc, à l'époque, il s'habillait en spandex. Donc, la mode du glam de l'époque faisait qu'il rentrait un peu dans cette gang-là. David Bowie, qui est androgyne. Donc, Mick Jagger, qui aurait couché avec David Bowie, comme j'en avais parlé dans la première chronique. Et donc, ça se répète toujours. Et ça dépend, selon l'histoire, donc, la quantité qui est sortie est parfois surprenante. Comme là, j'ai dit un gallon, et ça vous surprenait, mais ça peut monter jusqu'à 10 gallons, selon certaines personnes. 10 gallons, c'est 40 litres. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais un estomac de 40 litres, là, c'est beaucoup. Et la plus petite quantité va à 7 onces. Donc, c'est quand même moins au niveau des liquides. C'est négligeable. C'est négligeable, oui. Ça devrait passer dans le système normalement. L'alcotest, là, c'est ça, ça va pas biper. Mais en même temps, c'est drôle parce que je crois pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui, dans la semence comme telle, qui est intoxiquant. Mm-hmm. Je veux dire, à moins qu'il y en ait eu une grosse quantité rapidement. Et ce qui, en fait, là, j'ai pas lu ça nulle part, mais j'avais vu dans le DVD de Tenacious D que selon la légende de Rod Stewart, lui, il buvait cette semence-là pour lui donner une plus belle voix. Ah. Donc, il buvait ça pour éclaircir ses cordes vocales. Donc, ça une vient voix douce et mielleuse. Oui, effectivement. Ouais. Ça vient du DVD de Tenacious D. Donc, okay. le spécial HBO qu'il avait fait à l'époque. Ce sera très intéressant. Écoutez si vous avez du temps à perdre. Mais donc, voilà, c'est ce qui conclut le premier mythe, la première partie donc, de cette chronique. Et je vous ai préparé une petite pièce de Elton John donc, pour passer à la prochaine. Et c'est la pièce Tiny Dancer, donc, qui est quand même une très, très bonne pièce. Scène mémorable du film Almost Famous, en plus, avec Elton John qui se retrouve... En fait, la pièce qui se retrouve dans le film. Donc, voici, dans le cadre de Police Dead, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, dans le cadre d'Assemblage requis. Dans le cadre de C'est Fou... Attends une minute. Dans le cadre des meilleurs moments qui vont se retrouver, ben, peut-être pas cette semaine, mais une autre semaine. C'est quoi, t'es en train de dire que ta chronique ben, peut-être que celle-là pas sera pas dans les meilleurs moments, je sais pas. Non, c'est pas à toi de juger ça, par exemple. Mais tu sais, se faire parler de mythe de sexe enfin, à 6h le matin, tu sais, c'est quand tu te réveilles, ton cadran réveille. Il y en a qui aiment ça. La ben, preuve, ils ont un gallon dans le ventre. Ouais. Même 10 gallons. Seamstress for the band, pretty eyed pirate smile. You marry a music man, ballerina. You must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus freaks out in the street, handing tickets out for gold. We'll be right back. Ton micro. Non, c'est pas bon de faire ça. Non, pas bon pour les micros, mais t'aimes ça danser, toi. T'es un dancing queen. Je danse, c'est incroyable. Surtout avec les micros, là. Mm. Ouais, ben, je danse pas avec des vraies personnes, c'est juste avec des micros. On l'appelle le tombeur de ces micros. Effectivement. Tous les micros tombent quand je leur touche. Mm. Non, c'est pas pire, ça m'est pas arrivé encore. T'as un micro tombe ici. T'as juste à attendre, ça va t'arriver un jour. Ben non, ils sont bien fixés. Job de maître. Donc, parlant de micro, retournons à ta chronique sur les choses phalliques. Oui, effectivement, les choses de sexe aujourd'hui. Je me transforme en Annick Sédécal. Oui, ou René-Claude Brazeau, mais oui, Annick Sédécal est rendu assez élevé en termes de fiabilité sexuelle. C'est ça. Oui, donc, effectivement, donc, aujourd'hui, donc, on traite des mythes sexuels dans l'univers du rock'n'roll. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter deux mythes, un qui était faux et un qui était vrai. Et celui qu'on a vu d'abord, c'est celui qui était faux. Je pensais qu'il fallait deviner. Ouais. Ben non, mais c'était trop facile, il me semble. Non, c'était pas trop facile. Fait que c'était faux, là, l'affaire de 10 gallons dans le ventre. Et c'était faux, l'affaire de 10 gallons dans le ventre. Mais un gallon, c'est-tu vrai, ça? Non. Tout était faux. Tout était faux. Oh. De A à Z. Même les personnages n'ont jamais été traités pour Elton ça. Elton John n'a jamais existé. Elton John n'existe pas. C'était une histoire, c'est une joke. C'est deux nains habillés dans un manteau. Ah, là, t'es rendu vulgaire, par exemple. Hein? Je suis pas vulgaire. Deux petites personnes. Bon, ben c'est ça. Ouais. Là, t'es correct. Deux Maxime Laramé dans un manteau. Il paraît qu'il aime ça, hein? Quand t'es qu'il est petit? Non. Il aime ça se faire dire son nom en radio. J'étais supposé arriver et dire « Je viens vous parler de Maxime Laramé, le mieux Laramé. » Finalement, j'ai pas pensé. C'était sa demande. Hein. C'est lui-même, lundi, qui a demandé à ce qu'on parle de lui à chaque jour. Ben, Maxime le mieux Laramé. On vient de parler de toi, mon grand. C'est fait. Crochet. Ding! Ouais. Donc, la deuxième légende de laquelle j'ai parlé. Donc, on sait que c'est vrai, celle-là. Parce que celle-là est vraie, effectivement. Mais il y a des variations. C'est là, justement, dans la manipulation des légendes urbaines, il y a tout le temps des choses qui sont soit exagérées ou diminuées, tout dépendant. Majoritairement, par contre, c'est toujours exagéré. Et celle-ci touche un groupe très, très, très, très, très, très, très, très, très connu des années 70, c'est-à-dire Led Zeppelin. Et ça se passe dans une ville qui se nomme Seattle, dans un hôtel particulier. Un hôtel où on pouvait pêcher à partir de la fenêtre même de l'hôtel. Donc, on ouvrait la fenêtre, on prenait une canne à pêche, on pêchait un poisson, on pouvait le garder, donc le manger, faire ce qu'on voulait avec. Et justement, les gars de la Zeppelin ont trouvé... Pareil comme à Saint-Anne-de-la-Pérade. Effectivement. Wow. T'es pas, à Saint-Anne-de-la-Pérade, par contre, tu ne manges pas le poisson, à ce que j'ai entendu parler. Ça goûte pas bon. Possible. Ben, la Zeppelin, justement, quand ils ont pêché leur poisson, ils ne l'ont pas mangé non plus. Ils ont fait quelque chose d'un peu plus sordide avec. Et donc, cette légende-là vient des années 70, bien sûr, avec cette fameuse hôtel, et tire beaucoup, beaucoup de ses racines de la réalité. Par contre, il y a quelques nuances qu'on va expliquer par la suite. Donc, la légende explique que Led Zeppelin aurait accueilli une groupie dans leur loge. En fait, non pas dans leur loge, mais dans leur chambre d'hôtel, dans cette fameuse hôtel où on peut pêcher de la fenêtre. Et donc, vous savez, c'est l'univers du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Et Led Zeppelin était très fort sur l'alcool et la drogue à cette époque-là. Et donc, ils auraient accueilli cette groupie très, très, très willing et qui était prêt à tout pour rencontrer les membres de Led Zeppelin dans leur chambre. Et donc, aurait dit « D'accord, on va te recevoir ». Et la fille qui aussi se vantait d'avoir fait des choses sexuelles dans sa vie incroyables. Et donc, ils ont dit « Ah oui, t'as fait tout ça, c'est génial. Écoute, nous, on vient de pêcher un poisson et donc on voudrait voir si t'es capable de prendre ce poisson-là et de le... Je cherche les mots là pour que ça soit pas trop vulgaire. De le prendre et de l'insérer dans toi. Pouette! Ouais, c'est ça. Il faudrait le pouette de tantôt. Es-tu là? Non, il est pas là. On a perdu le pouette. Donc, voilà. Ils ont pris le requin. C'était un petit requin. Ils l'auraient inséré à l'intérieur de l'objet de la madame. Ouais. Donc, voilà. Et donc, pour voir si, premièrement, ça rentrait, s'il y avait un bénéfice joyeux à retenir de ça. Et donc, la fille l'aurait fait et ça aurait quand même bien fonctionné. Par contre, donc, l'histoire est largement exagérée. C'est là vraiment le but de ma chronique aujourd'hui, non pas de venir vous parler de choses sordides et dégueulasses, de sexe, mais plutôt de vous montrer à quel point, des fois, on peut exagérer ou modifier les histoires, puisque cette histoire-là est vraie. Sauf qu'il y a certaines variantes qui sont à changer. Lorsqu'on parle de Led Zeppelin, on ne parle pas nécessairement du groupe comme tel. On parle plutôt d'une personne, c'est-à-dire le gérant de tournée de Led Zeppelin, qui aurait reçu une personne également, une groupie finie du groupe, qui était prêt à tout pour rencontrer les gars. Il a dit « Écoute, si tu veux rencontrer le groupe, viens dans ma chambre et on va faire des trucs. » Le requin n'est pas un requin, mais plutôt un petit poisson d'une taille normale qui peut s'apparenter à un engin masculin. Donc, on parle pas de quelque chose de gros qui aurait pu faire du mal à la jeune fille. Également, dans cette histoire, il y a une portion de vérité donc qui se retrouve ailleurs aussi dans l'histoire du rock'n'roll. Entre autres, Frank Zappa, dans sa biographie, parle d'une fan semblable. C'est probablement la même personne. J'ai pas les noms. Dans toutes les recherches que j'ai faites, il y a aucun nom qui est cité. Mais cette personne-là qui disait qu'elle était capable de faire la même chose qu'elle a fait avec le poisson, mais avec un manche de guitare. Et elle l'a fait. Donc, c'est la même fan. Et non seulement elle a fait ça, mais pas avec Frank Zappa, mais avec ses musiciens. Et elle a aussi pris une bouteille de champagne et l'a ouvert d'une certaine façon avec son affaire de madame. Donc voilà, la censure est quand même pas pire. Ouais. Et donc elle aurait fait ça. Et donc ça se retrouve dans. Et c'est, tout est véridique dans la biographie de Frank Zappa. C'est sur YouTube. Non, c'est écrit dans un livre. J'ai le livre chez nous, j'aurais dû l'emmener. Mais vous lire des extraits très graphiques. Non, mais donc c'est une histoire vraie du côté de Frank Zappa, c'est une histoire vraie du côté de Led Zeppelin, et cette fan donc mystique existe pour vrai. Et donc le poisson donc a été vraiment trop exproprié, mais les grandeurs ont été exagérées. Et donc il y a les membres de Led Zeppelin qui n'étaient pas présents, mais qui se sont fait raconter l'histoire et ont fait ah elle est bonne. Ils n'ont jamais rencontré malheureusement la fameuse fille qui a peut-être payer un peu cher un droit de voir le groupe de ses rêves sans nécessairement le rencontrer pour vrai. Donc, c'était le but, dans le fond, de la chronique, de présenter cette semaine un peu des exagérations qui peuvent arriver au niveau de l'histoire. Des fois, des histoires inventées qui partent d'une rumeur innocente. Donc, d'ailleurs, l'épisode de la semence de mâle dans l'estomac, ça partait d'une histoire d'un garçon qui arrivait pas à pogner avec les filles, qui inventait des fausses histoires sur les filles qu'il aimait pour pouvoir se venger, dans le fond. Et celle-ci de Led Zeppelin, donc, qui part d'un petit incident qui aurait dû rester... une histoire de tournée reste en tournée, qui s'est un petit peu répandue, donc qui a pris des proportions immense. Un peu comme le... Ouais, bon. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Non. Un peu comme le poisson qui est devenu mille fois plus grand. Oui. Et donc, voilà. Et pour avant d'aller à la conclusion, dans le fond de la chronique, je vous ai préparé une petite pièce de Led Zeppelin, une pièce qui est tirée de l'album Led Zeppelin 4, une pièce qui se nomme Rock and Roll, qui est une de mes préférées du groupe. Donc, voici Led Zeppelin. Lâche-toi lousse. Rock lousse. Je pense qu'ils l'ont compris. OK. Rock and Roll de Led Zeppelin, qui est tiré de l'album Led Zeppelin 4, un album légendaire qui contenait entre autres Stairway to Heaven. Cette pièce aussi, Rock and Roll, ainsi que bien d'autres, qui sont vraiment très bonnes. Et donc, je vous parlais aujourd'hui, dans le cadre de Police Dead, de ces mythes sexuels et des proportions, plutôt des disproportions qu'on peut avoir par rapport aux légendes urbaines, ainsi qu'aux choses qui sont vraies. Vous savez, les histoires de pêcheurs, et donc c'est quand même histoire bien... De pêche, hein? Ouais, histoire de pêche, c'est assez bien, dans le bon contexte donc pour ce qu'on parle aujourd'hui. Et donc, cette mythologie et l'idéologie sexuelle qui marque littéralement l'imaginaire des gens, qui impose une notion de folie, même parfois de dégoût, dans un contexte de propagation de ces histoires. Donc, malgré tout, elles sont partie prenante de l'attitude légendaire des rockers et fournissent un univers varié et coloré dans ce monde fortement intéressant et pratiquement imaginaire qu'est le monde de la rock music. Et donc, elles forgent l'image de rebelles, de véritables icônes sexuelles même, qui peuplent les bacs de nos disquaires favoris, emplissent les chaînes musicales de la télévision et qui remplissent nos magazines donc préférés de rock'n'roll. Bref, le sexe est partie prenante de la légende du rock et son influence, autant que les acteurs et les auditeurs de ce style, sont ébahis toujours par ces histoires. Et donc, c'est toujours l'idée des histoires de pêcheurs et toujours de grossir la réalité, ça va même jusque dans les personnalités des chanteurs, musiciens du rock. Voilà. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Merci. Et à toi aussi. Tu nous as mis des images vraiment belles dans la tête. Pas trop de cauchemars, justement, en pensant à des poissons surdimensionnés ou des estomacs vraiment capables d'en prendre. On va essayer. Faire notre gros poisson. Ouais. Yeah. Ouais. Donc, on te retrouve mardi prochain ici à l'émission. Mercredi. Mais mercredi, c'est vrai, oui. Mercredi prochain, oui, je devrais être là avec un autre mythe qui sera probablement moins sordide et moins graphique. Qu'est-ce que je vais présenter cette semaine? Ne nous déçois pas trop. C'est ça que je voulais dire. Ah, parce que je vous ai déçu cette semaine? Non, mais on aime ça. Le plus souvent possible. Des affaires vraiment fucking man. Ah, ben c'est bon. Je vais essayer de vous en retrouver d'autres. Merci, Simon. Histoire de drogue, ça serait intéressant. Ouais. Je sais pas si j'en ai d'autres. Y en a-tu? Y en a-tu vraiment des histoires de drogue dans le rock'n'roll? Ça existe pas, ça, c'est des légendes. Donc, Simon Fitzbé, sa chronique Paul is Dead. On le retrouve évidemment en semaine, lundi au jeudi, entre 7h et 9h à la pile du lendemain. Il y a Crowd Rock les lundis soirs à partir de 18h. Oui. Il y a Album Classique les vendredis matins à 10h. Oui. Et tes chroniques Paul is Dead. Et oui, les choréodates format buffet familial. Oui, jeudi. Buffet familial, buffet chinois quasiment. On va changer ça pour les biscuits chinois. Non, ah, non. Non, mais les jeudis à midi, et il t'en manquait une rediffusion. Bon, là, on va pas s'en manquer des rediffusions. Mardi après-midi à 14h. Oui, hey. Mathieu, t'es très bon. Si jamais vous me cherchez, je couche dans le studio de ses fois tous les soirs. Fait que pas de trouble. Dans ta petite cage avec ta litière. Si jamais vous me cherchez, vous allez le trouver. Fait que, hein. Je suis méchant. Méchant! Bye Simon, merci. Bye Simon. Gros, t'es encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kivon et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.